Pour toute question concernant nos offres, votre abonnement, votre facture ou votre déménagement, tapez 1. Vous rencontrez un problème technique ou une difficulté d'utilisation de vos services? Tapez 2. Vous souhaitez résilier votre contrat? Tapez 3. Pour toute question concernant les autres produits et services informatiques, tapez 4. Je n'ai pas compris votre saisie. De nouveau, pour toute question concernant nos offres, votre abonnement, votre facture ou votre déménagement, tapez 1. Vous rencontrez un problème technique ou une difficulté d'utilisation de vos services? Tapez 2. Vous souhaitez résilier votre contrat? Tapez 3. Pour toute question concernant les autres produits et services informatiques, tapez 4.